Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue pour cette première émission du Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire concernant les Patriots. Chaque semaine, nous reviendrons sur le match des Patriots. Nous en analyserons, nous en débattrons avec mes intervenants. Vous aurez également des chroniques sur l'histoire des Patriots, sur mes intervenants et leur histoire avec les Patriots. Et bien entendu, nous parlerons des matchs de la semaine suivante. Et pour cette première émission, il me fallait deux invités exceptionnels. Le premier, la rumeur dit de lui qu'il doit prendre la tête des New England Patriots d'ici 3 ans. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est le président du fan club, j'ai nommé le psychopathe. Bonsoir président. Salut à toutes et salut à tous, le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Et bon, deuxième intervenant de ce soir, il me fallait un symbole du fan club. À ce qui paraît, George Lucas l'a contacté pour tourner dans le prochain Star Wars, tellement qu'il était fan de ses vidéos. J'ai nommé The Crazy Canadian. Bonsoir, Fred. Non, père. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à vous deux. Au sommaire de cette première émission, nous reviendrons bien entendu sur le match des New York Jets. Vos premières impressions. On parlera de l'attaque des Patriots. Est-ce que c'était une volonté de Belichick de jouer uniquement à la passe? On parlera aussi, bien entendu, de cette performance. Et il y a des choses à dire, que ce soit la performance de Brady et la performance des receveurs. Je vous demanderai, bien évidemment, vos tops et vos flops. Ensuite, nous aurons un débat sur les corners et la secondary, notamment. Est-ce qu'elle est du niveau d'un prétendant au Super Bowl? Et il y a des choses à dire. Nous aurons une chronique concernant l'histoire des Patriots, où le président racontera, viendra sur un fait, une histoire ou une personne. Cette semaine, président, c'est sur quoi? Alors cette semaine, ça sera un petit clin d'œil à l'un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL, bon, et un des meilleurs, bien entendu, des Patriots. J'en dis pas plus, on continuera tout à l'heure là-dessus. Quel suspense. Ensuite, nous aurons une chronique de Fred qui racontera un peu son histoire, notamment sur le voyage au Jet Stadium, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Alors je vais passer un peu... En revue, là, tout ce qu'on fait, les préparations et tout pour le voyage. Là. Et enfin, nous parlerons bien sûr du match des Dolphins. Alors, à l'heure où vous écoutez le podcast, nous on est jeudi soir. Le podcast sera diffusé demain vendredi. Donc comme ça, vous verrez si on a dit des idioties ou pas. Mais dans tous les cas, même si on a dit des idioties, demain ou aujourd'hui, Dolphins sucks. Les fan club français des Patriots, l'émission épisode 1, c'est parti. À 23, c'est le score des New England Patriots face aux New York Jets. Rapidement, un petit tour sur les statistiques. Brady, 355 yards et 2 TD. En face, Ryan Fitzpatrick fait un 295 yards et 2 TD également. À la passe, c'est le meilleur coureur, c'est Tom Brady avec 15 yards. Et en face, Chris Ivory avec 41 yards pour 10 portées. Alors, j'ai envie de vous dire, première question, messieurs, très rapidement. On va commencer par le président. Quelle est votre première impression sur ce match? Moi, je vais dire que la première impression, c'était celle un petit peu que j'avais décrite dans ma prévision, c'est-à-dire un match serré avec à l'arrivée 7 points d'écart, et c'est ce qu'il y a eu. Donc, bon, je me suis trompé sur le score, mais sur l'écart, à quelque chose près, c'est ça. Pourquoi? Parce que le match contre les Jets, c'est toujours serré. C'est le match de division, la rivalité et tout ce qu'on connaît. Donc, pas étonné, pas surpris. Et c'est un match qui pour moi, a été assez logique dans l'ensemble. Fred, ton avis sur ce match face aux Patriots, face aux Jets, pardon? Ben, écoute, tu parlais au début que le jeu a été porté beaucoup sur la passe. Et bon, il y a toujours plein de paramètres qui font en sorte qu'un coach va décider comment qu'il établit son jeu envers la défensive adverse qu'il a devant lui. Et puis, bon, le jeu a sorti tel que tel. Mais... quand on regarde dans les matchs précédents, Blount contre certaines équipes, il va sortir un match d'enfer, tandis que quand il va arriver contre certaines autres équipes, tout dépendant de la défensive qu'il a devant lui, il s'écrase et il fait pratiquement aucune verve. Alors, que les Pats aient utilisé plus la passe que plus la course, ben, c'est tel que tel. Pour ce qui est de... Moi, avant même de regarder les statistiques de la partie, ben, mon feeling n'était pas très bon pour Brady. J'ai pas eu l'impression qu'il a joué un très bon match parce que il y a beaucoup de receveurs qui ont échappé les ballons et tout. Oui, mais du coup, c'est pas lui qui a fait un mauvais match, c'est les receveurs. Ouais, mais tu sais, il y a toujours deux parties. Hein. Il y a le mec qui lance le ballon et il y a celui qui reçoit. On va rappeler quand même les stats de Brady. 355 yards, 2 TD et surtout 54 passes. 34 réussis et surtout 54 passes, ce qui est énorme. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, vous rajoutez à ça les 10 drops qu'il y a eu. 12. S'il les réussit, on est à 54-44. Ah, mais tout à fait. Ouais. Et oui. Et d'un coup, il a que 10 passes ratées sur 50. C'est monumental. Ouais. Moi, pour moi, c'est Brady MVP de la saison actuellement. Et à mon avis, ça ira au bout et il sera MVP. Non, puis de toute façon, si on regarde, comme vous dites, Lafell qui l'a échappé 6 ballons, c'est sûr et certain que ça fait une différence dans la statistique de Brady. Ah ben oui, et tu rajoutes ceux de Delman, tu rajoutes ouais. ceux d'autres, voilà. Oui. D'ailleurs, Lafell se donne même un F sur cette performance. Rapidement quand même sur la performance de Brady. Parce qu'on parle quand même des 355 yards, c'est quand même la 17e fois où il fait plus de un match sans une interception à plus de 350 yards, ce qui est énorme. Et puis tu rajoutes à ça qu'il marque un touchdown à la course. Ouais, en plus. Voilà, donc en plus, donc tu rajoutes ça. Un joli saut de Camry d'ailleurs. Meilleur coureur de l'équipe. Ouais, il a fait plus. Non, il est monstrueux, il est monstrueux. Il a fait plus que Blount et White. Ah non, mais voilà, tout à fait. Réunis. Brady, on va quand même regarder un petit match dans le match. Brady quand même face à Revis, parce que quand même Revis, avec tout ce qui s'est passé pendant cette intersaison, Brady face à Revis, c'est 3 passes réussies sur 5, 47 yards, et les 2 passes ratées, ce sont 2 drops. Donc potentiellement, si les receveurs ne se plantent pas, s'il ne faut pas les drops, il a 5 sur 5 au niveau des passes face à Revis. Donc c'est vrai, c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Par contre, moi, la question que je me... Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de respect de la part de Revis en fait en fonction de... Oh non, s'il avait pu l'intercepter, crois-moi que... Je pense. Il ne se serait pas gêné. Je pense, parce que quand même, je pense que Revis était beaucoup sur Edelman, et Edelman, il ne fait que 54 yards, donc je pense quand même... Oui, voilà, et regarde qui c'est qui sort un match exceptionnel, c'est Amendola. Ouais, voilà, et comme par hasard. Voilà, donc de toute façon, on va en parler sans doute aussi... On a un trio d'attaques avec Gronk, Amendola et Delman qui est monstrueux. C'est-à-dire que tu peux charger Gronk comme tu veux, de toute façon, il fera ses réceptions. Donc, du coup, qui tu charges? Edelman, et ben Amendola derrière, il fait 8 réceptions et 80 et quelques yards, je ne sais plus exactement combien. Ouais, mais c'est monstrueux. C'est ça, 86 yards. Amendola fait 86 yards, Gronk en fait 108 et Edelman n'en fait que 54. Et Amendola met un touchdown. Et Amendola met un touchdown et Gronk aussi. Non, mais ce qui est intéressant avec Amendola, c'est quand même Bill dit de lui que c'est un très très bon professionnel qui donne toujours à fond, que ce soit aux entraînements, à la préparation d'avant-match. Il est très très très carré, Amendola. Amendola, il est connu là-bas sur place pour être un des joueurs qui reste, qui arrive le premier sur le terrain et qui part le dernier. Donc c'est un professionnel hyper carré. Et croyez-moi que s'il en est là, c'est qu'il bosse énormément le gars et qu'il veut briller. Il n'est pas venu aux Patriots pour faire la figuration, il veut être premier receveur. Et quand Edelman est pris, bah, il s'en sort plutôt pas mal. Il fait une super saison et j'ai une petite pensée pour notre membre du staff, Régis, qui adore Amendola et qui doit se régaler là en ce moment. Ah non, mais tout à fait, je pense que c'est quelque chose... Pourquoi Amendola, on peut compter sur lui, rappelez-vous le triplé, enfin... Amendola, je pense que c'est... Il a eu du mal au début, clairement, il ne faut pas se le cacher, normal, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal, je pense. Mais après, là, il a vraiment trouvé sa place et voilà. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement bénéfique à cette équipe. Je vais juste revenir, Cédric, 2 secondes sur Brady. Donc moi, je vous dis, selon moi, ça sera le MVP. Alors bien sûr qu'il y a la course avec Aaron Rodgers, mais bon, là, Brady, il est intouchable, il est monstrueux. Mais là où il est monstrueux, c'est au-delà des statistiques, c'est qu'il a une motivation mais de malade. Je ne sais pas si vous le voyez sur chaque touchdown. Il saute, il court. Il sait, à l'âge qu'il a, qu'il n'en a plus non plus pour 10 ans. Alors lui, en rigolant, il vous dit qu'il va tenir encore 10 ans. Très honnêtement, il a 38 ans. S'il tient 10 ans, ça lui fera 48 ans. J'y crois pas un instant. Mais bon, pourquoi pas. Donc, il a une motivation de fou parce qu'il sait que il s'approche un peu de la fin doucement. Et regardez la joie qu'il a quand il lance une passe de touchdown. Que ce soit avec Gronk ou Amendola, là, quand il a marqué, vous l'avez vu. C'est exceptionnel. Il a une motivation de dingue. Et c'est ce qui va faire la différence, à mon avis. C'est ce qui peut aussi nous perdre à un moment donné. Il peut lancer la passe un peu trop appuyée et se faire intercepter au Super Bowl. Écoutez, je parle pas de malheur, mais on va croiser les doigts. Mais... Ouais, touchons du bois. Touchons du bois, vite, j'en ai à côté, je touche. Mais Olivier, en fonction de ce que tu dis pour la motivation, là, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que des événements malheureux comme le Spygate et le Deflategate a redonné une grosse motivation à Brady de prouver qu'il est un super joueur. Tout à fait. Et bien, il est encore meilleur quand il est énervé. Alors, voilà. Donc, complètement. Et alors, le match qui lui a fait énormément de bien par rapport à ça, c'est de vaincre les Colts. Le fameux match des ballons dégonflés. Oh là là. Et ben, comme quoi, ils peuvent gonfler les ballons tant qu'ils veulent, ils perdent toujours contre les Pats. Ouais. Ouais. Mais ça, les Colts cette année, moi, je les compte pas fort dans la balance. Hein. Pourtant, ils ont une super équipe. Sur le papier, ils ont une super équipe. Et moi, j'en avais fait mes favoris pour aller au Super Bowl en AFC, mais c'est vrai qu'ils sont un peu décevants. On va voir. C'est pas fini. La saison est longue. Non, c'est sûr. C'est pas fini, et Luck, il est quand même... c'est un mec qui a énormément d'avenir, quoi. Donc, faut voir. Si c'est pas cette année, ça sera à un moment donné, à mon avis. Ben, moi, je lui souhaite pour l'avenir de la NFL, parce que ça prend des nouveaux quarterbacks qui vont prendre la place des Brady. Des plus anciens, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est clair. Moi, j'aimerais quand même, sur Brady, j'aimerais quand même faire une chose. Là, pour le coup, j'aimerais dire attention, surtout, à ne pas trop l'exposer à faire des matchs à plus de 50 passes. Et oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Très attention. Alors là... Parce que les Patriots, on a un gros défaut, c'est qu'on est en difficulté. Et on va faire que de la passe. Alors que la course, elle est extrêmement performante. On a un très très bon jeu de course. Que ça soit avec Blount, que ça soit avec Dion Lewis, qui fait un super début de saison. Et j'espère que ça va continuer. D'ailleurs, entre parenthèses, il sera actif face aux Dolphins, normalement. Donc ça fera énormément bien. Et pour ça, il faut absolument, absolument... Il va jouer contre les Dolphins. Ça, c'est quasi sûr. J'ai donc c'est pour ça. Quelques petites infos du... De dedans qui dit qu'il va jouer, quoi, a priori. C'est une bonne nouvelle, mais il faut absolument qu'on apprenne à gagner des matchs à la course et à installer notre jeu de course, même si c'est dur. Même si au début des matchs, c'est dur. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Et encore plus, rappelez-vous les saisons où on a, et je l'ai énormément critiqué sur certains de mes articles dans le blog, quand on n'arrive pas à équilibrer le jeu de passe et le jeu de course, dès qu'on n'est plus polyvalent, qu'on n'arrive pas à peu près à créer un équilibre, on envoie trop Brady à la casse, ça finit toujours par des interceptions ou des sacs, et on finit par perdre, on ne gagne pas le Super Bowl. Exactement, il surjoue et donc ça. Alors, pourtant, on a quand même des coureurs qui sont extrêmement performants. Donc là, le match face aux Jets, on n'a pas joué à la course. À mon avis, c'est un choix tactique parce que la ligne offensive est extrêmement faible, clairement. Donc maintenant, face aux Dolphins, je pense qu'on a intérêt à remettre le jeu de course. Pas répéter ça parce que sinon, c'est sûr et certain, à un moment donné, ça sera une défaite. Donc à un c'est moment sûr. Donné... C'est sûr. Mais moi, ce qui me fait peur, surtout contre les Dolphins, et je vais pratiquement mettre toute la performance de l'équipe de côté... Et puis, je vais y aller avec le fait qu'ils ont gagné les deux derniers matchs. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure, Fred. De toute façon, on aura le temps d'en parler, des Dolphins. Continue sur le match des Jets. Je vais vous demander à vous, messieurs, vos tops et vos flops pour ce match. Donc, on va commencer par Fred. Fred, quel est ton top et ton flop pour ce match face aux Jets? Ouais, ben, écoute, si je te dis que dans mes tops, un très court commentaire, je te dirais que Amendola a sorti un très bon match. Et malheureusement... Au niveau des flops, c'est l'affaire qui a fait qu'on a perdu beaucoup de verges à cause de ces drops. Ouais, c'est sûr, mais l'affaire, on est d'accord. 6 ballons, même si c'est pour un mode de reprise, c'est énorme. Président, ton top et ton flop? Alors moi, le top, ça va être bien sûr Brady, vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, je m'extasie dessus. Bien sûr Gronk, on est obligé. Bien sûr Amendola, mais bien sûr Edelman. Donc finalement, c'est tout ce qu'on voit dans les statistiques, ils ont tous fait un bon match. Alors Edelman a laissé tomber quelques ballons, il a quand même Revis sur le dos tout le long, donc bon, on lui pardonne. Le top, je vais mettre, étrangement, je vais mettre David Andrews, centre de la ligne offensive, qui a montré une motivation de folie. Alors, il n'a peut-être pas toujours tout fait bien, mais je trouve qu'on a des centres cette année qui sont hallucinants. Voilà, donc je le mets dans mes tops, même si on sait la faiblesse de notre ligne offensive actuellement. Et pour les flops, je ne vais pas mettre Lafell, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est que Lafell, il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure, le gars. Oui, il y a Il ça aussi, était ça, ouais. absolument pas sûr de jouer ce match. On l'a mis parce qu'il a joué à l'entraînement et qu'à l'entraînement, il a été plutôt bon. Donc on le met, finalement, il se retrouve dans un match hyper agressif avec une rivalité de dingue et un jeu de Jets très, très dur sur l'homme. Et si vous regardez bien les passes, il a quand même deux passes qui ratent avec des passes très basses de Brady qui lui tombent par terre. Alors il se penche en avant. Est-ce que physiquement il n'était pas capable de descendre aussi bas? Je ne sais pas. Et puis il a une passe qui est super bien défendue. Donc oui, il en rate trois et ça, à son niveau, c'est pas admissible. Peut-être que finalement, le moins, c'est le flop, c'est Bill qui a pensé que Lafell était assez en forme pour jouer. Et n'oubliez pas, tout souvent, je parle du physique des joueurs. Je critique souvent les choix de Bill, qui pour moi souvent pense que les joueurs peuvent être capables physiquement de faire quelque chose et souvent ils se Et plantent, que ce peut-être soit la Dion Lewis blessure de ce Gronk soir. dans le passé et Lafell peut-être il y a quelques jours. Voilà pour moi. Alors moi de mon côté, mon top, ça va être Gostowski. Parce que quand même, au niveau quand même des field goals, quand même la réussite, Ouais, on yes. peut compter sur lui. Ah C'est pas très loin cette fois-ci, on est passé pas très loin d'en rater un, c'est mais en clair. termes de continuité, de performance, il est présent. Et le mec élu AFC Special Team Oh bah Player of the c'est. Week. C'est pas étonnant. C'est vraiment. Et rappelle-toi, Cédric, rappelle-toi, qu'est-ce que j'avais mis dans mes clés? Les équipes Ah oui, non mais spéciales, tu c'est. te souviens? Avec lui, on peut compter sur lui. De toute façon, c'est sur des matchs comme ça. Ah Le fait d'avoir un oui. bon kicker, si ce n'est le meilleur kicker de la ligue, hein, osons le dire, c'est. Oui, on peut Ça, le dire, je c'est un pense. avantage. Ouais, d'ailleurs, on peut se souvenir quand on est allé contre les Giants en 2007, au début de la deuxième demi, quand Gostkowski il a lancé le ballon sur les côtés des lignes et puis qu'après, Belichick, il voulait plus lui faire confiance. Ça m'a choqué beaucoup. Ah ouais, non, mais pourtant, alors que pourtant, ouais. Ah, des fois, il a quelques décisions de coaching qui sont un peu bizarres, il faut l'avouer. Ouais, ben ça Mais c'est. bon. Ouais, mais bon. In Bill we C'est trust. exactement. In Bill we trust. Et mon flop, c'est cette défense face à la passe. Ah oui, tu Parce me que régales. clairement, clairement, je vais le dire de façon prude, mais se faire prendre une fessée par quand même Fitzpatrick, qui est certes un très bon quarterback assez régulier, par Marshall. Non, arrête, Et par arrête. Baker, non, sans Non, pas Fitzpatrick, je veux pas entendre ça. Non, Je veux on pas, a ça y est, je veux pas. clairement pris une leçon en attaque au niveau de la passe et on a énormément de chance que Oh, ce le soit pas mec, il sait plus. d'où il vient, il vient d'Harvard. Harvard, il savait même pas jouer au football. C'est pour dire, non mais c'est pour dire clairement le niveau de notre défense à la passe. Harvard, ils font que des maths. Pour de bon, nous parlons de Fitzpatrick. C'est. Tu vas dire ça sur le podcast qui est Harvard pour le des maths? Ah mais ça pourtant Je me suis un peu lâché, merde. ça restera ça restera Bon, allez, ah. F2, on reprend. Allez, d'ailleurs, donc mon flop c'est sûr quand même sur cette défense face à la passe. D'ailleurs, c'est le thème de notre débat qu'on le commence tout de suite. Je parlais il y a quelques minutes de notre défense face aux New York Jets. Notre débat va porter ce soir justement sur cette défense à la passe. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que cette défense peut nous amener au Super Bowl? Très très clairement. Elle a montré des signes, je pense, assez inquiétants, à mon humble avis, que ça, même si Butler, le héros du Super Bowl tel qu'on le connaît, est, je dirais pas plutôt performant, il montre des signes de progression, Il est toujours sur le, la plupart du temps sur les coureurs. Malheureusement, il ne fait jamais interception. Rappelez-vous le match contre les Colts. Andrew Luck fait quand même, pareil, plus de 50 passes. On ne fait pas une seule interception. On ne crée pas de turnover avec notre défense à la passe. Et ça, ça reste quand même très inquiétant. Alors, monsieur, la qualité de Butler que je vois quand je le regarde dans les matchs, c'est qu'il est dans les pantalons du wide receiver. Il le colle comme c'est pas possible. Et comme tu dis, Cédric, peut-être effectivement qu'il n'a pas encore d'interception, mais il cause beaucoup d'échappées, il touche les ballons et tout. Et pour moi, c'est sûr que, bon, j'aimerais bien qu'il ait 3-4 interceptions déjà, mais de la manière qu'il joue, j'aime beaucoup. Et il se prend pas tant que ça de pénalités, alors c'est quand même bien aussi. Je suis assez d'accord avec toi, Fred. Je suis assez d'accord sur ce joueur. Il faut, je l'ai un petit peu cassé à un moment donné dans le blog, justement, dans un de mes articles. Je crois que j'étais un petit peu trop sévère. Il est jeune, il faut lui laisser du temps. Et je pense que c'est un joueur qui va énormément apporter. Par contre, et c'est là que je trouve qu'il y a un problème en défense, et je te suis à 100% Cédric, notamment contre la passe, bien sûr, il nous manque un vieux de la vieille, un vétéran, un capitaine. Alors oui, McCourty, il est là, oui, il est ultra motivé, oui, il tient l'équipe. Il nous manque un vrai taulier, un deuxième taulier, on va dire. Voilà, McCourty, je le mets là-dedans. Il nous manque, ben finalement, il nous manque Revis de l'an dernier, quoi. Ouais, il faut un corner physique, clairement un corner physique qui soit capable de, clairement, qui soit capable de, ouais, de bien défendre sur les joueurs, parce que. Après, il y avait Brouski, Teddy Brouski, notre ancien linebacker, qui disait cette semaine qu'il était hyper confiant pour la suite pour Butler. Et je suis assez d'accord. Ah oui, moi je pense aussi, lui, clairement, parce qu'il est tout comme Odie Fred, je suis assez d'accord, il est tout le temps sur l'aube. Et c'est même, ça en est même frustrant. Moi, ça, je trouve que ça en est même frustrant. Ouais, c'est ça. Après, un bon corner, c'est pas forcément celui qui intercepte toujours. Hein. Non, non, mais vous avez vu quand ils l'ont mis contre Brown dans le match des Steelers, là? Ah non, mais il était à un niveau assez exceptionnel. Hein. Alors après, il s'est fait un peu avoir vitesse, mais non, mais je pense que ça serait un très bon. Le jour où il va commencer à créer des turnovers, ça va peut devenir un des meilleurs corners de la ligue, très clairement. Bon, Cédric, on parle de Butler. J'ai le droit de parler de Logan Ryan? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais, parce que... J'ai le droit de le défoncer, c'est comme. Ah, ben vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, tu as la parole. Mais je le supporte plus, j'en peux plus de Ryan. J'en peux plus. Je le déteste. Je me sens de rebondir sur ce joueur parce que, bon, au-delà du fait que j'aime pas trop son jeu, j'ai trouvé que lors de ce match, il était encore une fois en retard sur les actions, un petit peu dépassé par l'événement. Alors, je vais pas tout lui jeter, tout m'acharner sur lui, ça sert à rien parce que je trouve que Coleman n'a pas été terrible non plus, par exemple. Mais je pense qu'avec ce joueur-là, on peut vraiment avoir de réelles difficultés. Je pense vraiment qu'il faut recruter. Et qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, un taulier dans l'équipe, notamment à sa place. Fred ? Oui ? Il faut que tu rebondisses, après c'est un débat, donc à toi de rebondir sur Ryan. Vas-y, rebondis Fred, maintenant. Alors, je rebondis. Non, alors, malheureusement, de mon point de vue, j'ai vu quelques jeux de sa part qui m'ont beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Alors, vois-tu... Oui, mais moi, je suis pas objectif avec Ryan, non, je non, le non, sais. Non, non, mais écoute, je me sens complètement à côté de la traque parce que j'avais quand même une bonne impression de ce joueur. Ouais. Mais j'ai pas le même bagage que toi, alors je peux pas... Non, mais c'est... Non, vraiment, moi, je te jure, je sais avouer quand je suis juste totalement inobjectif. Et peut-être que là c'est le cas, j'en sais rien. Écoute, si les fans ils ont envie d'écrire justement quelque chose sous la page, dans les commentaires, tout ça sur Logan Ryan, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, de ce joueur? N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et j'aimerais savoir, voilà, si c'est juste moi qui manque d'objectivité ou si vraiment il est moyen. Je dis pas qu'il est nul, faut pas exagérer, je suis toujours en train d'exagérer. Non, je le trouve pas très bon, voilà. Ben, regarde Olivier, si je veux faire un rapprochement sur moi ce que je pense de Ryan et toi ce que tu penses de Ryan, je vais faire un rapprochement entre Lewis et Ridley. Non, tu n'as pas le droit. Non, Fred, ce n'est pas du tout le même style de joueur. C'est pas comparable. Mais alors, moi, je dis. Non, tu sais bien que Lewis, on peut le comparer à Kevin Falk. On peut pas le comparer à Ridley. À la rigueur, Blount et Ridley, si tu veux. Oh, oui, non, mais c'est parce que, regarde, moi, je suis en train de mettre tous mes œufs dans le même panier avec Lewis. D'abord, parce que, et ça, je devrais même pas y aller comme ça, parce que juste avec le numéro qu'il a dans le dos... Moi, attention à ce que tu vas dire! Mais écoute, juste avec le numéro qu'il a dans le dos, moi, il a toute mon énergie positive. Oui, mais moi aussi, tu le sais que Kevin, c'est mon joueur préféré après Drew Bledsoe, bien sûr. Voilà. Et puis, rappelle-toi, comme au début, j'avais du mal avec le numéro 11 dans le dos de Edelman. Et maintenant, c'est mon chouchou. Donc, Lewis, il peut devenir mon chouchou. Ouais, et voilà. Mais là, Lewis, il a quand même une grosse enclume à porter, là. Oui. Avec le joueur qui a porté son numéro avant, c'est quelque chose. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Non, mais pour en revenir, pour pas trop s'éloigner du débat, quand même, par rapport à Ryan, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup sur courant alternatif. Il peut faire de très très bonnes phases et complètement passer au travers de certaines actions. Et ben voilà, exactement. Et alors ça, ouais. Je vais te dire un truc. Je trouve que ce que tu viens de dire, ça résume exactement ce qui fait que je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que à un poste pareil, on peut pas se permettre. Voilà. Cornerback, c'est un poste où tu ne peux pas te permettre d'avoir des moments de bas et comme ça. Voilà. C'est-à-dire que quand il a du talent, ce mec. Je pense vraiment qu'il a du talent parce qu'il est capable vraiment de bien défendre de temps en temps, mais il est capable de se trouer totalement sur certains jeux et moi, c'est ce qui me rend fou complètement. Ben, vous savez, c'est qui va décider, qui va trancher là-dedans, hein? C'est Belichick. Ah ben oui. Parce que si lui, il voit qu'il ne l'aime vraiment pas, les commentaires d'Olivier, les commentaires de Fred, il s'en fout complètement. Faut pas dire ça, Ça, vous comptez énormément pour Bill. Non, mais on s'entend, là, je le dis diplomatiquement, mais Belichick, il s'en fout de nos commentaires là-dessus parce qu'il va dire, moi, si je trouve que Ryan, c'est une merde, il le gardera pas dans l'équipe, tout simplement. C'est certain. D'ailleurs, si je peux me permettre, concernant les choix de Bill qui ont, par le passé, été peut-être discutables, parce que, bon, in Bill we trust, ok, mais de temps en temps, il y a eu quelques erreurs selon moi. S'il a bien fait quelques erreurs, c'est à ce poste-là. Au poste de cornerback, dans le passé, on a eu des fois des joueurs très légers, et Bill a voulu y croire, il s'est un petit peu obstiné, et pour moi, ça a été des erreurs. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas-là avec Logan? J'en sais rien, écoutez, je sais pas, j'espère pas, en tout cas, voilà. Moi, si j'ai ce peur-là, c'est comme tu disais tout à l'heure, Cédric, c'est que ce joueur, il a tendance à se trouer, et s'il se trouve en finale de conférence, eh ben les gars, ça va pas le faire, hein. Mais là, tu dis des erreurs de Belichick. Si je te dis deux noms comme Asante Samuel et Tyler, qu'est-ce que tu réponds là-dessus? Eh, je te réponds que tu as entièrement raison, et que c'est en partie à eux que je pensais, et... Si tu réfléchis, les remplaçants à l'époque de Tylo et de Asante Samuel, eh ben écoute, il y a eu des joueurs comme Iedigbo, des joueurs comme. Enfin, oh, voilà. Je vais pas. C'est un bon joueur, Iedigbo. Faut pas rêver. Ah, me relance pas, c'est vrai. Mais ok, attends, sur Ryan, attends. Je peux me calmer, autant sur Iedigbo, je n'y arriverai jamais. Mais Iedigbo, je crois que le mec là, des Saints, il court encore sur l'autoroute. Là. Je suis sûr qu'il est rendu proche de Miami. C'est ça, exactement. Non, mine de rien, ce qui, voilà, il nous manque clairement des corners. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il reste encore quelques jours d'ici la fin de la deadline, est-ce qu'il ne faut pas rajouter un corner dans cette équipe? Ah non, mais c'est une certitude. Il faut rajouter un vieux de la vieille, il faut rajouter un vétéran. Et alors, bon, j'étais très déçu. J'avais envie de vous garder la surprise pour cette émission, pour l'émission du fan club français. Mais effectivement, Cortland Finnegan, c'est a priori, c'est quelque chose qui est très avancé, que Belichick avait en tête depuis pas mal de temps. Le problème, c'est que Cortland Finnegan ne voulait absolument plus revenir et rejouer, concrètement. Vous connaissez la capacité qu'a Bill à faire revenir les anciens. Alors, de temps en temps, ça a marché. On pense à Junior Seau, on pense à des joueurs qui ont été très très bons. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ce joueur-là? Moi, personnellement, je prends. Alors, oui, il est un petit peu vieux, oui, il s'est arrêté. Ouais, on est quand même en train de parler d'un pro bowler, quoi. Donc, je pense que c'est un joueur qui apporterait énormément aux jeunes joueurs, et notamment à Butler. On parlait tout à l'heure de Butler. Vous lui mettez un Finnegan à côté, ça peut être énorme, je Oui, pense. mais est-ce qu'il a la tête pour revenir? Parce que, comme tu dis, lui, il voulait pas sortir de sa retraite, il va se laisser C'est le convaincre. problème. Est-ce qu'il va, après, s'il revient, est-ce qu'il va avoir la tête pour revenir entièrement et se donner à fond? C'est le problème, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Bill met la pression. Donc, est-ce qu'il va avoir gain de cause? Je ne sais pas. À À suivre. suivre. Ben, s'il l'intègre bien comme il faut, et puis miroiter qu'il a une chance d'amener quelque chose dans l'équipe et que ça peut lui Oui, apporter. après, rappelle-toi de Wilson. Hein, on l'avait engagé, il s'est blessé. C'était tout il y a quelques années, là, il y a 2, 3 ans. C'était tout à fait un joueur qui aurait été intéressant, ancien pro bowler aussi. Très en retard physiquement dans la préparation. Donc, effectivement, il était plus vieux que tous les autres. Hein. On est un peu dans le même cas de figure. Est-ce que s'il revient, il va pas se blesser tout de suite? Est-ce que s'il revient, il aura un rôle clé dans le vestiaire comme avait eu Junior Seau à l'époque? On sait pas. On est dans du fantasme. On sait rien. Par contre, moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter énormément, notamment dans le vestiaire. On parle quand même, Finnegan, ça vient de la French Agency, mais moi quand même, je me dis, c'est pas possible quand même qu'elle est pas. Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, ils vont bien nous sortir un polichinelle, un lapin du chapeau. Ils vont pas juste nous dire qu'on va chercher un vieux retraité, le motiver à Alors, revenir, non. machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bill, il était sur ce plan-là et il est depuis des années sur le plan McCourty numéro 2. Est-ce que c'est possible? Ça me paraît difficile. Honnêtement, ça me paraît difficile. Il a signé pour je sais plus combien de millions il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il réussira un jour à réunir les deux frérots, les deux twins McCourty, sous le même maillot, celui des Pats? Alors là, moi, si c'est ça, je m'achète le deuxième maillot des McCourty. Je Ben, crois. est-ce que c'est quelque chose qui serait profitable pour les Pats? Parce que si tu regardes, il y a deux autres frères Gronkowski et je sais pas s'ils vont venir jouer avec les C'est vrai. Pas faux. À Non, suivre, on à verra suivre. bien. À suivre, on verra bien, mais bon. Ouais. Il manque quelqu'un en espérant pouvoir avoir une recrue d'ici la deadline qui est dans quelques jours, je crois, il me semble. Donc bon. C'est ça. Espérons que ça se finisse vite, en tout cas. Bah, écoutez, merci messieurs. En tout cas, sans ça, si on reste comme tel, on risque d'avoir des soucis à arriver en playoff. Ah non, mais c'est sûr, on ne tiendra pas. On est énorme parce que Brady est énorme. Si Brady commence à lancer 2-3 interceptions parce qu'il exagère un peu trop ses passes, parce qu'il en veut trop, parce qu'il est énervé, on va avoir du mal à défendre avec ce corps de defensive back, c'est certain. En tout cas. En tout cas, on peut souligner quand même une chose, c'est heureusement et grand heureusement qu'on a un front seven qui tient énormément la route. Ouais, putain. Alors là, on peut tirer notre chapeau à l'équipe Chandler Jones, Ninkovic, Hightower, monstrueux, monstrueux lors de ce dernier match. Chandler Jones, meilleur sacker de la ligue, s'il vous plaît. Oui, Puis là la... 6,5 sacs à égalité avec des monstres. Non, Chandler Jones, il est monstrueux aussi. C'est dommage qu'on ait perdu Devlin, par exemple. C'est vrai. Moi, je vais poser quand même une question quand même, sur ce front seven au président. Ninkovic, c'est pas sa dernière saison aux Pats? Non, non, non, c'est pas sa dernière saison. Est-ce qu'il faut pas à un moment de Alors, non, dire je t'expliquais pourquoi, Cédric. qu'il n'a pas une valeur pour... Alors, je peux me tromper. Tant l'an prochain, tu me ressors la même interview et Ninko, il sera à la retraite. Et tu me diras, rappelle-toi l'interview dans la première émission. Non, Ninko, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un capitaine. Il est exactement ce que Finnegan pourrait amener s'il venait aux Patriots. C'est-à-dire que Ninkovic, il est dans une phase un peu descendante dans les statistiques. Il est sur une phase descendante dans ce qu'il te montre sur le terrain. À côté de ça, les joueurs autour sont complètement accros à ses directives sur le terrain. Il fait un travail dans l'ombre énorme. Il est quand même à 4 hits sur les quarterbacks adverses cette saison. Il est à je sais plus combien de passes provoquées, lancées par terre par les QB adverses. Il est, en fait, si tu analyses le travail de l'ombre qu'il fait, c'est monstrueux. Voilà. Et un joueur comme Hightower, s'il prend l'ampleur qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à Ninko, et c'est, il le dit clairement, hein. Hightower, il est complètement accro, comme j'ai dit tout à l'heure, à Ninkovic, et c'est finalement un trio de linebackers qui fonctionne bien parce que tu as Ninko, quoi. Et ça va pas faire comme une Logan Mankins, par exemple? J'espère pas, je crois pas, non, je pense pas, je pense pas, je pense pas. Regarde l'action, la dernière action où Hightower il récupère un fumble, je crois, ou peut-être l'action d'avant, j'en sais rien. Tu regardes, tu fais un zoom, tu fixes sur Ninkovic, il fait un travail hallucinant, quoi. Et il y a quelque chose qui me chicote là-dessus, parce que, bon, on parle de Ninkovic, puis moi aussi, je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Mais il n'y a pas un joueur qui est posé se démarquer un peu plus, et puis qu'est-ce que vous pensez de Mayo? Pour moi, Mayo, Ah, c'est pour une moi, bonne c'est là, question. c'est lui qui est tradé si on doit trader un corner. Bien sûr. C'est lui qui Un sera tradé. linebacker. Un linebacker. C'est lui qui sera tradé, je pense. Mais c'est certain. C'est certain. Alors après, ça nous. Malheureusement, ben, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le prend. Ça nous coûterait financièrement le fait, vu qu'il a restructuré son contrat, si on le tradait, ça nous coûterait financièrement au lieu de faire des économies. Bien sûr. Donc ça, Oui, c'est. mais à un moment donné, d'ici un an ou deux, ça va changer. Oui, ah oui, mais je pense que d'ici à la fin de la saison, ça sera, à la fin de la C'est ouais, saison. c'est pas dit, c'est pas dit. À cause de ce que tu viens de dire, c'est pas dit, on faut voir. Faut voir comment ça se passe. Sachant que quand même à la fin de la saison, on a quand même des grosses signatures à faire, dont Hightower notamment, si je me trompe Ah oui, pas. non, mais lui, alors lui, tu as vu le niveau qu'il a, tu peux être certain qu'il re-signe. Mais il est en train de prendre la place qu'avait Mayo il y a 4-5 ans. Hein. Ah non, mais Ouais. clairement, très clairement. C'est tout à fait dans la lignée. Très très clairement. Et on parle du front seven, comment ne pas parler de Collins? Oh là là là, Oh voilà. là là, 4,5 sacs, je crois, un truc, ou 5 sacs, je ne Oh, sais plus. impressionnant. Il est impressionnant, mais au-delà de ça, bon, on va éviter de parler de son contre sur le field goal. Oh Parce que là alors là, là, mais le timing! Pourquoi qu'est-ce tu qu'on voulais pas que arrive? je parle ou quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'était bon! Quel Ah pied ouais. d'enfer! Alors là, je peux Ouais. vous dire que si j'achète pas le maillot de Lewis parce qu'il a le numéro 33, j'achèterai celui de Collins. Hein. Ah ouais, parce que son bloc, c'était formidable. Ah ouais, non, Formidable! Quel timing! Un athlète exceptionnel. Ah, tout à fait. Ah non, non, mais Ça me c'est. faisait penser un peu à Paul Amalou là-dessus, là. C'est vrai, un peu dans le même style. Dans le même style. Non, non, mais c'est une bonne chose à faire. Non, par contre, on a un réel problème. Alors, on parle du front seven. Pour moi, je ne sais pas si c'est. On peut féliciter tout le front seven parce que je trouve Non. qu'on a quand même un vrai problème au niveau du defensive tackle. Totalement, totalement. On Michael est quand Brown. même 19e à la course en défense contre la course. Alors, on parle depuis tout à l'heure du problème, et c'est toi qui l'as si bien lancé, Cédric, sur les cornerbacks, sur les defensive backs, sur les safeties. On est 18e contre la passe. On est 19e contre la course. Ah mais la course, il y a clairement un problème. Voilà. Malcolm Brown, même si c'est un rookie, même s'il va faire son trou, je le Bah, il n'y est trouve, pas, hein. il n'y est pas. Je le trouve, il est clairement, il montre pas des signes dire ça va être un très très bon défensif tackle. Pour le moment, il n'y est pas. C'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Ouais. Pour le moment, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y est pas. On est d'accord. Ok. Mais messieurs, j'aimerais ça revenir sur un petit fait que, regardez, moi j'écoute les Patriotes depuis 2001 et si on regarde. Il y a des années qu'on aurait été supposé défoncer la Ligue et gagner le Super Bowl les deux doigts dans le nez, et qu'on ne l'a pas gagné, et qu'on arrive avec une équipe qui est complètement pétée de partout, et qu'on réussit à gagner contre les Seahawks. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Fred, et tu as trop raison. Rappelez-vous la saison 2001, pour ceux qui s'en souviennent ou qui étaient assez âgés pour s'en souvenir. La saison 2001, on commence la saison, on perd de nombreux matchs, on a une équipe, mais bourrée de blessés. Et moi, je me souviens, à partir du cinquième match, on devait être à une victoire, quatre défaites. J'étais hyper pessimiste, j'ai dit, mais on va faire une saison de merde. En 2001, on gagne notre premier Super Bowl. Donc, ouais, tu as raison. Est-ce qu'avec tous ces blessés, est-ce qu'on va pas aller loin? Je ne sais pas, Et encore une puis, fois. si je me souviens bien, et c'est là, je te dis ça, et ce n'est pas pour te manquer de respect, c'est juste pour te rappeler ce que tu as dit l'année passée. Il y a beaucoup de gens qui disaient, si on n'a pas Gronk, on va nulle part. C'est vrai. Et toi, tu avais beaucoup d'emphase sur Ridley et tu disais qu'en manquant ce joueur-là, il y avait des grosses chances qu'on se casse la gueule et Eh qu'on ne bien, gagne écoute, pas le je Super suis Bowl. content d'avoir eu tort. Non, Retenez bien ce après. jour-là, Non, 29 après. octobre, le président a eu tort, c'est assez rare. Non, Non, non, mais non, écoutez, excellente information. c'est parce que, puis je le répète encore, c'est jamais pour te manquer de respect là-dessus, Non, mais mais. attends, Fred, je sais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, Fred, en fait, c'est exactement le même problème qu'il y a avec Logan Ryan et Steven Ridley. C'est que Steven Ridley, je manquais totalement d'objectivité. J'adore ce joueur. Ouais, c'est ça. Donc moi, en fait, si tu veux, j'ai un petit côté où j'adore aller au fond de mon fanatisme, quitte à voir que, ouais, en fait, je suis en train de me planter, mais tant pis, j'adore ce joueur. T'adores tellement Bah, qu'il t'a trahi qu'il est parti aux écoute. Jets. En fait, je me fais rire un peu tout seul quand je fais ça. Il est quand même parti aux Jets, ton joueur préféré, hein? Je sais pas si tu as lu il y a quelques jours ce que j'ai écrit sur le Facebook de Ridley. Il a mis une photo, il a pris une photo de l'entraînement, il l'a mise, et moi dessous j'ai marqué en anglais. Mais si tu savais le mal que ça me fait de te voir avec ce maillot, et j'ai eu, je crois, 20 likes dans la seconde. Donc visiblement, je n'étais pas le seul. Mais, tu sais, on revient sur des choses. Moi, j'ai jamais compris pourquoi qu'on a laissé partir des mecs comme Woodhead et qu'on a gardé aussi longtemps Marooney. Alors, ben, moi je pense avoir mon idée, c'est que au-delà de mon manque d'objectivité avec Ridley, quand je te disais qu'on n'arriverait pas si on perd ce joueur, c'est qu'on n'avait pas pour moi un joueur dans le même style de jeu de course. C'est-à-dire que Ridley a un style de jeu qui finalement va se rapprocher plus de Blount. Et un Woodhead, il a plus un style de jeu à la Kevin Faulk ou à la Lewis, par exemple. Voilà. Donc on est sur des coureurs, certes, des running backs, mais qui n'ont rien à voir dans leur jeu, finalement. Et je vais rebondir encore une fois sur autre chose. C'est, rappelons-nous, en 2011, on a Woodhead, on finit la saison, on va au Super Bowl. En 2007, on a Faulk. On finit la saison, on va au Super Bowl. D'accord? Donc, on est sur des joueurs indispensables pour aller au Super Bowl. L'an dernier, finalement, Ridley se blesse. Pas grave, parce que c'est pas le même style de joueur. Il y a Blount qui prend la relève et qui fait une super post-saison. Finalement, c'est pas des joueurs qui sont indispensables. Donc, si je me suis bien trompé sur un niveau, c'est sur celui-là, quoi. Et Et d'ailleurs, je te précisons que, relance. pardon, cette année, on a Lewis. Est-ce que cette année, en ayant Lewis, on peut pas aller au Super Bowl, peut-être? Je sais pas. Et je te relance tout de suite là-dessus en te disant qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui se blesse dans l'équipe, tu sais c'est quoi mon premier réflexe? Je me dis, le mec qui va le remplacer avec Belichick dans le dos et toute l'équipe de coach qu'il a derrière lui, on ne verra pas la différence dans 2 matchs. Moi, c'est mon thinking là-dessus. Ça tient la route. Merci messieurs pour ce débat. J'espère que vous, chez vous, vous avez pu vous faire aussi votre avis sur la défense des Patriots. Et maintenant, on passe tout de suite à la troisième partie de l'émission. Bah, tout de suite, nous allons retrouver notre première chronique, The Patriot Corner, où là, un de nos intervenants reviendra sur une histoire, un fait, un lien, quelque chose qui l'unit avec New England Patriots. Et aujourd'hui, c'est Fred qui va nous parler de son déplacement au Gillette Stadium. Alors les amis, ben c'est ça, moi je vous dis un peu comment ça se passe quand je vais faire un tour à Foxborough au Gillette Stadium voir nos super patriotes. Alors c'est simple, c'est simple. Il s'agit de prendre le temps de s'asseoir et puis de regarder comment il faut s'organiser. Et la première chose, c'est toujours d'aller chercher les billets. Et puis ça, si la saison commence au mois d'août, il faut se préparer à l'avance pour acheter les billets. Et puis, les billets viennent en vente genre un mois et demi avant. Alors, quand les billets sortent à 10 heures le matin, moi, je suis devant mon ordinateur quelques minutes à l'avance, la carte de crédit est prête et tout. Et puis, j'achète les billets. Malheureusement, vu qu'ils n'en ont pas beaucoup, du fait que c'est des gens qui ont les billets de saison, alors on n'est pas toujours capable d'être proche, moi et mon collègue, dans le stade. Alors, on en profite pour socialiser beaucoup sur le tailgate avant. Et puis, on achète nos billets. Une fois que les billets sont achetés, les réservations pour l'hôtel sont déjà faites beaucoup à l'avance. On parle de 6 mois. Et puis, quand on part le matin, on part vers à peu près 5 h 30 parce qu'on descend le samedi. On arrive de Québec, ça nous prend à peu près 8 heures de route. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on part au mois d'octobre ou au mois de septembre, on a toujours la belle température. Les autoroutes sont 2 voies et puis ça se fait très très bien pour descendre vers Boston. Et puis on arrive à l'hôtel aux alentours de midi et demi, 1 heure. Et là, c'est simple, il faut s'organiser. Alors, voyez, c'est simple, vu que le lendemain, quand le match il est autour d'1 heure, on ne peut pas acheter de bière avant midi. C'est une loi de Foxborough et au Massachusetts. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est quand on arrive le samedi, on s'en va directement à l'épicerie et on achète tout ce qu'on a besoin pour le tailgate. On met tout dans les frigidaires et puis on est prêt pour le lendemain matin. Alors là-dessus, ce qu'on fait, c'est que vu que le match, il a 1 heure, on part 4 heures à l'avance pour être sûr de ne pas être dans le trafic et les portes des stationnements, ils rouvrent 4 heures à l'avance. Alors je dois vous avertir que c'est autour de 40 $ pour l'espace de stationnement. Alors on arrive là avec tous nos artifices et on s'installe pour les hot dogs, les hamburgers et bien sûr la bonne Samadams. Alors, ben c'est ça. Et puis, quand on est bien installé, avec le soleil, on est en short, on est en t-shirt et puis on apprécie la vie. On parle beaucoup de tout ce qui est football, bien sûr, avec les gens de la place. On a même des blagues qui fusent de partout avec l'équipe, les gens qui sont sur l'équipe adverse. Et je vous dirais que l'ambiance est assez extraordinaire parce que les gens de Boston sont formidables et il n'y a pas d'animosité habituellement avec les gens des équipes adverses. Alors, ben c'est ça. Alors, la journée de l'événement, c'est sûr qu'il faut aller chercher la game des pins, la pin de la journée qui vient immortaliser le match. C'est le Et pin, puis, c'est le pin. ouais, le pins, ouais. Et puis, le pro shop, lui, quand le match est à 1 heure de commencer, il ferme et on peut juste y accéder par l'intérieur. Et puis, une fois qu'on est dans l'enceinte, on ne peut plus sortir parce qu'on ne peut plus rentrer après. Et puis, ben c'est ça. Alors, on va s'installer tout bonnement à notre place et puis, ben on est prêt à vivre l'expérience de notre vie. Et des Monsieur? fois, Fred, on est à côté, et alors là, on se régale encore plus. Et on passe toujours un FaceTime à nos potes pour être sûr qu'ils nous voient dans tout l'énervement et tout. Évidemment, évidemment. Maintenant, nous allons passer tout de suite à une nouvelle chronique qui concerne l'histoire des Patriots. Et aujourd'hui, le président va nous parler d'un joueur dont on ne sait lequel encore. Alors en réalité, je ne vais pas vous parler d'un joueur. Je vais essayer de vous faire une petite historique en lien avec le match à venir. Le match à venir, il est cette nuit. On le sait, c'est Patriots contre les Dolphins. Patriots-Dolphins, c'est quoi? C'est the rivalité, entre autres, avec les Jets, bien sûr, avec les Bills, bien sûr. Alors c'est une rivalité un peu plus cool. On est moins méchant avec les supporters des Dolphins. On se chambre. Si vous allez voir les matchs des Dolphins, il y aura toujours un petit Dolphins habillé en vert à côté de vous. On se chambre, c'est pas méchant. C'est pas comme avec les Jets. Les Jets, c'est un peu plus sévère. Et moi, en fait, ce match, il me fait penser à un ancien match, un ancien Miami Pats. Alors, la différence avec ce soir, c'est que c'était un match à Miami. Et c'était. En fait, je fais un lien avec le match de cette époque. Pourquoi? Parce que c'était le Week 7 aussi. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était. C'était en 2000 et quelques. Il faudrait vérifier dans l'historique. Je ne me souviens plus. Ce que je me souviens, c'est que c'est un match qui se passe à Miami, en week 7. Et qu'on est allé gagner à la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire un match mémorable qui se gagne en overtime. On est sur du 19 à 13, si mes souvenirs sont exacts. Et on a une victoire qui se fait donc en overtime par une passe magistrale de Brady à ce fameux joueur qui est Troy Brown. Troy Brown, joueur évidemment exceptionnel, légendaire. Il fait donc Tom Brady lance à Troy Brown. Ce dernier catch la balle à 5 minutes de la fin sur une passe de, tenez-vous bien, 82 yards. Voilà, donc c'est un petit lien que je fais avec le match de ce soir. Pourquoi? Parce qu'on en parlera plus tard dans les pronostics. Moi, je vois un match quand même relativement serré cette nuit. Donc, ça me fait penser, en fait, à ce fameux match de Week 7 de l'époque. Un match qui s'est fini en overtime. Écoutez, peut-être que ce soir, overtime encore, hein, je ne sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, dans ce match, il y avait ce fameux Troy Brown, ça je l'ai noté. Il finit avec 6 réceptions, 131 yards. Et un touchdown. Voilà, le tout avec un field goal de recouvert, parce que tenez-vous bien, monsieur Troy Brown jouait aussi sur les équipes spéciales, pour ceux qui s'en souviennent. Donc à l'époque, un field goal bloqué par Richard Seymour, et qui c'est qui recouvre? Troy Brown. Donc on a un joueur de classe légendaire qui nous fait gagner un match légendaire. Je me dis que peut-être ce soir, on peut avoir ça avec à qui on peut penser, une passe un peu longue, quelqu'un qui va devenir légendaire. Bon, allez, je mise sur Gronkowski cette nuit. Allez, victoire des Patriots cette nuit sur une passe de Brady à Gronkowski à 5 minutes de la fin en overtime. Qui c'est qui signe ça pour ça? Ah, c'est sûr. Voilà pour la petite parenthèse Troy Brown. Juste pour conclure, c'est pour ceux qui s'en souviennent encore une fois, c'est un joueur qui a joué cornerback, qui a joué retour de punt, qui a joué receveur bien évidemment, un huitième tour quand même, qui vient de l'université de Marshall. À l'époque, c'est pas forcément une grande université. Huitième tour en 93, le mec devient légende vivante aux Patriots. Il a son maillot qui est retiré. Il rentre au Hall of Fame, il est au Pro Bowl en 2001, il finit en 2001 avec 1199 yards. Pour vous donner un petit comparatif, l'an dernier, Edelman, c'est 972 yards. Donc il est à 300 yards de plus. Il marque 5 touchdowns cette année-là. Edelman, l'an dernier, c'est 4 touchdowns. Donc voilà, bon, ça vous donne une petite idée de ce joueur. Pour ceux qui l'ont connu, c'est... Moi, pour moi, personnellement, c'est peut-être mon receveur préféré de l'histoire des Pats. Bon, bien sûr, il y a Edelman qui est en train de remonter dans ce classement, bien sûr, pour moi. Et puis, j'avais j'ai eu la chance... J'ai entendu le nom de Welker. Non, Welker, je n'ai pas parlé parce que sinon je t'aurais fait de la peine et je ne veux pas. Ce soir, je suis gentil. Déjà, je me suis énervé avec Logan Ryan. je vais pas t'énerver avec Welker, d'accord? Juste une dernière petite parenthèse. J'avais eu la chance de le rencontrer en 2009 à Londres et le gars est juste super sympa. Voilà. Donc, Troy Brown, une légende, un mec super sympa. Que demander de plus? Merci président pour cette histoire. Et tout de suite, nous allons passer aux attentes face au match des Dolphins. Bonsoir, c'est le match face aux Miami Dolphins, une équipe qui est actuellement très en forme depuis qu'ils ont séparé de leur coach Phil Bean. Clairement, je pense que c'est un des matchs qui est les plus serrés qu'on va avoir cette saison, surtout en ce moment, face alors à des receveurs, on en parlait, face à notre faiblesse extrêmement dangereux, que ça soit Matthews, que ça soit Landry, un Miller à la course qui est devenu extrêmement menaçant. Pour mémoire, le Dolphins, la semaine passée, ça a été quand même à un moment donné 41-0. Certes, face à Houston, mais 41-0 en deux quarts-temps. Donc c'est pour donner à peu près le niveau de cette équipe. D'ailleurs, au passage, pour la petite histoire, petite dédicace quand même à Ryan Mallett, qui a eu la bonne idée de rater l'avion de l'équipe avec les Houston Texans, et qui a quand même était obligé de prendre un vol commercial pour rejoindre son équipe parce que Houston n'avait pas de deuxième quarterback, étant donné qu'il avait un qui était blessé, Tom Savage, et l'autre qui était d'ailleurs sur la practice squad. Et pour finir la petite histoire, le lendemain, pour la reprise de l'entraînement, Ryan Mallett est arrivé en retard. Et qui est arrivé au final, Ryan Mallett s'est fait couper. Qui était quand même à un moment donné le backup de Tom Brady. Ma première question quand même sur le match de ce soir, tout simplement, messieurs, vos attentes sur ce match face aux Dolphins. Vas-y Fred, je t'en prie. Bon, alors moi, je regarde la manière que les Dolphins sont, ils ont les deux derniers matchs, ils ont gagné. Leur coach s'est fait foutre à la porte. Ils ont changé de coach. Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est juste le fait de changer de coach qui libère les joueurs sur le terrain pour montrer leur plein potentiel pour aller gagner les matchs? Ou encore, tu te dis, bon, Houston, ils n'ont pas gagné un match depuis la saison. Alors, est-ce que c'est juste normal que les Dolphins, ils ont gagné contre eux? Ou c'est où qu'on est là? Est-ce que c'est la performance des joueurs sur le terrain qui vraiment fait une différence et que avant les Dolphins, ils n'étaient pas si bons parce que bon, ils n'ont pas donné toute la gomme, ou c'est le fait qu'ils sont motivés parce qu'ils ont un nouveau coach? Non, moi je pense que concrètement, l'ancien entraîneur Philbin, c'est ça, un truc tout comme à ça, fait. Philbin, tout ouais, à fait. Il était plus du tout dedans, il était plus du tout suivi par ses joueurs, il était complètement lâché, il avait un pourcentage catastrophique. Alors bon, si on regarde un petit peu les stats des anciens coachs des Dolphins, il y en a pas beaucoup qui ont des bilans positifs, mais lui, il avait vraiment, je sais plus combien il a un pourcentage, il avait 45%, je crois, un truc comme exactement, ça. Exactement, ouais. C'est catastrophique. Alors, ce qui se passe, c'est que Dan Campbell, il débarque. Le gars, il a un caractère complètement différent, visiblement. Et surtout, il laisse la possibilité à Tannehill de jouer enfin comme il a envie de jouer. Et vous avez vu le résultat cette semaine. Oh, non, c'est impressionnant. 25 passes consécutives. C'était plus arrivé depuis 2004 avec McNabb. Donc, ça fait 11 ans qu'il n'y avait pas eu ça. Donc, et même Tom Brady a dit respect absolu, c'est énorme ce qu'il vient de faire, etc. Et rajouter à ça le jeu de course qui se met en place avec Lance Miller. Donc, oui, en plus, c'est vrai. Donc ça sera très dur, hein. Moi, comme je disais tout à l'heure. Ça sera extrêmement compliqué. Je pense qu'on va... C'est pas gagné, voilà. Les Dolphins, à chaque fois, ils nous font un peu rigoler. Squeeze the fish. Ouais, mais bon. Attention, danger. Et puis, si justement, Tannehill, il se met à décocher sur la passe, et puis avec la défensive qu'on a, qu'on parlait de Ryan tout c'est à ça. L'heure, et puis ça va être dur. Butler, s'il fait pas d'interception non plus. Ben, on peut l'avoir dans les dents. Non, mais Logan Ryan, il va faire une interception. Rien que pour te faire démentir suite au podcast. Ah, que j'aimerais. Oui. J'adorerais. Non, mais très clairement, tu parlais tout à l'heure dans le débat des stats de la défense à la passe et à la course. Où est-ce qu'on se positionne? Les Dolphins, quand même, à la course, ils peuvent manger le chrono. Qui peut nous faire très mal et donc sortir Brady du terrain, très clairement, et avec le jeu à la passe, peut très bien finir les actions ou prendre de longues passes Oui, et nous mettre extrêmement. Avec Matthews, hein, Matthews c'est... il est dans les meilleurs receveurs, il a presque 450 yards, le gars. Ah, mais Ryan Matthews et Henry, c'est son. D'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir sur Matthews, il faut savoir que le gars, actuellement, il survole au niveau de la réception. Il est à 16,8 yards par réception c'est de moyenne, c'est énorme. Edelman, il est à 11,2 et Gronk, il est à 15,7, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de Edelman et de Gronk. Donc ça nous donne une petite idée du danger que va représenter cette nuit Matthews. Oh, mais très clairement, hein, c'est prioritaire de Tannehill, donc c'est sûr que ça va être le danger principal, et puis à voir ce que ça va donner. À la différence, peut-être, que par rapport aux Jets, ce sont plus des receveurs basés sur la vitesse, alors que les Jets étaient beaucoup plus sur la puissance. C'est vrai. Ce qui potentiellement nous arrange. Parce qu'on est vraiment en difficulté face à des receveurs puissants, alors que là, avec la vitesse... Alors, attends, ça dépend, ça nous arrange. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure... Bon, quand je dis ça nous arrange, c'est dans l'extrême, hein, mais dans tous les cas, ça sera en difficulté. Hein. Si, regarde, on disait que Ryan, il avait tendance à passer à travers une défense par match. Où, s'il est en train de balancer une bombe sur Matthews à ce moment-là et qu'il se trouve, c'est un touchdown. Ah oui, bien sûr. Donc ça peut faire mal aussi. Ah oui, non, mais tout à fait. Je pense que ça peut être extrêmement dangereux, ce match. Et puis, avec des receveurs comme ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, justement, en parlant des passes interceptées et tout, c'est contre qui qu'on s'est fait passer un jeu épouvantable, là? Il y avait le safety qui est allé sur le receveur, et le receveur, il l'a complètement contourné, et puis il est allé de mettre un toucher comme s'il n'y avait jamais eu personne. C'est pas face aux Colts? Quoi? Ouais, je pense. Même les Jets, on en a eu un comme ça, je crois. Ou c'est les Jets, oui, qu'on a eu un comme ça, et c'était... Mm-hmm. Non, mais ça va être un match. De toute façon, la clé du match, elle est clairement là. Hein. Ça va être notre capacité à notre défense, à la fois de freiner et la course et le jeu de passe de Miami, hein. Très clairement, ouais. Pour que les arrêter assez tôt, pour que Brady puisse être sur le terrain. Ouais. Alors, je crois qu'on a plus de facilité sur la course. Mais, je veux dire, on est plus performant sur arrêter la course que d'arrêter la passe. Ça, c'est sûr. Oui, c'est certain, c'est certain. De toute façon, je pense que de notre côté, il va falloir absolument installer le jeu de course pour faire la même chose qu'ils vont essayer de faire, sortir Tannehill du terrain, très clairement. Faire sortir leur attaque. Donc après, il y a un autre élément qui est intéressant aussi, c'est qu'on se fait quand même deux matchs d'affilée à domicile. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous, clairement nous avantager dans cette sorte de match-là. Je pense que c'est recevoir les Dolphins, c'est tellement mieux à ce moment-là de la saison que d'aller à Miami. C'est pas pareil. Ça commence à être pas chaud à Foxborough en plus. Ah là, c'est pour ça. C'est que là, il commence à faire froid. On a les supporters qui sont bouillantissimes avec notre fiche de 6-0. Donc c'est plutôt bon signe tout ça, on va voir. C'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut changer la donne. Ouais. Ah, totalement. Surtout que là, je pense, je vais reprendre une des clés que tu disais face aux Jets. Quelle équipe va prendre le lead en termes de scoring? Parce que là, et là justement, c'est une question que j'aimerais vraiment vous poser. C'est que je pense que les Patriots, tactiquement, font exprès de pas forcément, entre guillemets, réussir leur premier drive. Je m'explique. Ils font exprès pour que la défense adverse puisse dévoiler leur jeu. Parce qu'on sait tous qu'en général, les premiers drives sont travaillés aux entraînements pour prendre le lead tout de suite. Moi, je pense que Bill est capable de faire un coup en disant « On va faire un drive assez simple, mais comme ça va permettre de pouvoir que la défense en face dévoile son jeu. Et comme ça, nous, derrière, on s'adapte. » Parce qu'on réagit beaucoup en deuxième mi-temps. Donc, je pense que de ce côté-là, ça me surprend pas que les Patriots sont souvent menés. Maintenant, face à cette équipe, que ce soit par exemple côté Dolphins où il y a des armes partout, est-ce que c'est la bonne tactique à adopter? Oui et non. Ça peut être dangereux. Cédric, pour appuyer ce que tu dis, depuis le temps que je regarde Belichick, de la manière qu'il traite le jeu et tout, Olivier, tu sauras me dire que j'ai raison là-dessus, j'ai toujours l'impression que même dans un match super important, Belichick, il trouve toujours le moyen d'essayer des choses nouvelles pour voir comment le jeu réagit. Évidemment, évidemment. Alors lui, c'est vraiment un expérimentateur. Si Bill, il a une capacité incroyable, s'il a bien une qualité, je veux dire, incroyable, c'est sa capacité à tenter des choses, même dans des moments un peu critiques. Et généralement, il surprend l'adversaire et il fait en sorte de faire gagner son équipe comme ça. Hein. C'est rare qu'il mente son coup, en plus. Ouais, voilà. C'est un vrai génie. Hein. C'est un génie du coaching. Ça, pour le coup, c'est certain. C'est une certitude. Maintenant, on verra bien ce qu'on va donner ce soir. Peut-être que tout ce qu'on a dit va pas se passer, que les Patriots vont dérouler tranquillement. Ah ça. Non, mais là, c'est sûr. Là, ce qui se passe, c'est que les membres du fan club, ils sont en train d'écouter l'émission. Nous sommes le lendemain du match et ils sont en train de se moquer de nous parce qu'on a tout faux. C'est voilà. Comment perdre en crédibilité en lançant un podcast Une émission, on a perdu toute crédibilité. Voilà. Bon, mais c'était la dernière de l'émission, voilà. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu de crédibilité, alors il n'y a pas de problème. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on sait que ça va être un match difficile. Ma dernière question, messieurs, votre pronostic. Vas-y, Fred, je t'en prie. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de misère à me prononcer là-dessus. Moi, je vous dirais que je vois une victoire des Patriotes, mais pour vous expliquer exactement comment je la vois, j'ai beaucoup de misère. Mais puis, si vous me demandez un score, ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est un W dans la colonne. Mais non, sérieusement, mais je vois une victoire des Patriotes ce soir. Une des premières raisons, c'est qu'on est à la maison. Deuxièmement, c'est que Brady, je serais même pas surpris qu'on se ramasse avec une saison régulière parfaite encore une fois parce que Brady, il mange du gazon, il mange de la NFL et puis il a le feu dans les yeux. Alors, une fois de plus, moi je dis que avec déjà ces deux particularités-là, le fait qu'on est à la maison et que Brady est en guerre contre la NFL, on s'en va encore pour une victoire ce soir. Président. Moi, je vais me rappeler quelque chose, c'est que en 2007, on était au week 7 pareil. Donc, c'était le week numéro 7. On était à 6 victoires, 0 défaites. C'est exactement la même. En 2007, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une saison parfaite de 16-0. Donc, eh ben, on va continuer là-dessus. Je vais miser sur une saison parfaite. Alors, on va peut-être pas s'enflammer ce soir, c'est juste le pronostic d'un match. Mais si on veut une saison parfaite, il faut gagner tous les matchs. Donc, ce soir, on gagne, c'est sûr. Malgré tout ce que j'ai dit, le danger qui pèse sur ce match, parce que je pense qu'il sera serré. Moi, je vois bien un 34 à 27 pour les Patriotes. Donc, un match encore une fois serré. Un peu comme la semaine dernière, mais avec plus de points. Pourquoi? Parce que bah, Tannehill et Matthews, à mon avis, vont réussir à se connecter avec notre défense aérienne un petit peu hasardeuse. Je pense que ça peut un peu passer, mais je vois pas Tom Brady passer à côté du match. Donc, avec l'aide de Gronk et d'Edelman, je pense que ça devrait être positif. Voilà. Donc, finalement, ben, je vais pas dire comme j'ai dit dans la rubrique histoire, je vois pas un match gagné en prolongation à 5 minutes de la fin, mais ouais, ce score me paraît assez probable. Alors, quant à moi, mon cœur, évidemment, me dirait que les Patriots vont gagner ce match. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ça sera très très dur, que ça sera un score très élevé. Maintenant, si j'oublie mon cœur et que je Il pense l'a dit, football. il l'a dit. Pour ceux qui étaient à Marseille pour la soirée du fan club français et New England Patriots pour le Super Bowl, ils auront compris. Oublie ton cœur, pense football. Moi, je vois une défaite des Patriots. Clairement, je pense qu'ils voient une défaite des Patriots de 38 à 30. Avec, je pense, s'ils restent sur le même état d'esprit que le match face aux Jets, un faible jeu de course. Et sachant qu'en face, je pense qu'on va vraiment. Sera la défense sera tellement mise en difficulté que je pense que voilà, les Dolphins vont réellement exploser notre défense. Et voilà. Je vois. Au Et risque de me c'est faire, au ainsi risque que de me Cédric est faire huer dans les disparu du fan commentaires. club français et du monde patriote. Bon alors, on n'a rien dit, ça sera coupé au montage. Victoire des Patriotes sans problème. Voilà. Mais Olivier, tu dois lire dans ma tête parce que moi, c'est la première chose que j'étais pour dire. On est connectés entre le Canada et Marseille. Non, mais écoute, Cédric. Tu donnes ton opinion. Moi, écoute, tout peut arriver ce soir. Quand ils ont posé la question à Ditka, ils lui ont dit, est-ce que les Patriotes peuvent se faire arrêter? Est-ce que les Patriotes vont faire une saison parfaite en 2007? Ditka, il a dit, n'importe quelle équipe peut battre les Patriotes. Il s'agit que... Et il avait raison, on l'a vu au Super Bowl, on a perdu contre les Voilà. Giants. Non, non, mais c'est ça. Et N'importe quelle équipe ouais. peut battre les Patriots pour X raisons. Ouais, sauf que ça s'est pas fait. Non. En tout cas, réponse bah, pour nous ce soir, pour vous, bah, vous connaissez déjà la réponse. Donc voilà, let's go Pats, et puis on espère en tout Let's cas en tant go, que supporter Pats! qu'il y ait la victoire jusqu'au bout. Et Go, Pats! En tout cas, il me reste, voilà, c'est la fin de cette première émission, en espérant qu'elle vous ait plu. Il me reste en tout cas à vous remercier, Merci à messieurs, toi, Cédric. d'y avoir C'était participé pour cette régal. première. On est Ouais, c'était très très fiers régal. d'avoir fait cette première et on espère qu'il va y en avoir encore plein d'autres. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Pour à peu près pour parler un petit peu des futures émissions, ça sera même registre, même chose, mais avec des invités différents. Donc là, c'était moi et Fred. pour cette première. La prochaine fois, ça sera toujours un membre du staff du fan club français des Pats et aussi peut-être de temps en temps un membre, l'un de vous, voilà, pour animer un petit peu cette émission. Il y aura toujours par contre Cédric qui est notre animateur attitré du fan club. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon match surtout. Et surtout, let's go Pats et le fan club français des New England Patriots, partout, toujours! Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter Let's go une bonne Pats, semaine, bonsoir. de bons matchs NFL et puis Alors, bonsoir, let's go Pats! Bonsoir! Bonsoir.